Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Et Franck Ferrand reçoit aujourd'hui Daniel Porte au cœur de l'histoire et pourtant il ne sera pas question d'Alésia. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. C'est toujours un plaisir de recevoir la grande latiniste Daniel Porte, même lorsqu'il ne s'agit pas d'Alésia. En nous appuyant sur son dictionnaire du siècle d'Auguste, c'est le fondateur de l'Empire romain que nous allons évoquer cet après-midi en sa compagnie. Et après quoi nous irons nous promener à Rome sur les pas d'Auguste avec Lorena Martin. Oui, et le retour aux origines de la fin de l'émission nous emmènera un peu plus loin encore dans l'Antiquité, cette fois sur les pas d'Annie. Anissa, vous êtes formidable. Mais pourquoi vous dites ça, Franck ? Eh bien, parce que je le pense. C'est gentil. À la veille de sa mort, Auguste peut se targuer d'une œuvre colossale. Il a dirigé le monde romain d'une poigne de fer. Il a posé les bases d'un immense empire, d'un solide empire qui domine tout le bassin méditerranéen. Un empire qui lui survivra plus de 5 siècles avant... avec des hauts et des bas, certes. Avant de mourir, l'impérator confie à ses plus proches conseillers 4 précieux rouleaux scellés, le res gestae divi Augusti, les hauts faits du divin Auguste. Il veut que le texte soit lu lors de ses funérailles, puis gravé sur des tables de bronze près de son mausolée. Et voilà ce qu'on peut notamment lire dans cette geste d'Auguste. « J'ai été 21 fois acclamé impérator. J'ai souvent conduit des guerres sur terre et sur mer. J'ai purgé la mer des pirates. J'ai repoussé les limites de toutes les provinces du peuple romain dont les nations voisines n'étaient pas soumises à notre pouvoir. » Pour marquer sa reconnaissance envers moi, le Sénat me décerna par décret le titre d'Augustus. Les montants de la porte de ma maison furent habillés de lauriers par décision officielle et une couronne civique fut accrochée au-dessus de ma porte. Un bouclier d'or fut placé dans la Curia Julia. Le Sénat et le peuple romain me l'ont donné en raison de ma clémence, de ma justice et de ma piété. Voilà un texte dont on ne peut pas dire qu'il s'agisse d'un acte de contrition. Auguste a également noté « In libertatem vindica virem publicam », j'ai rendu la liberté à la République. La République, vraiment, curieuse affirmation quand même de la part de celui qu'on considère, à tort ou à raison, comme le premier empereur romain. Celui qui en tout cas semble avoir gouverné avec efficacité, avec une efficacité monarchique de fait. Celui qui sera une référence pour tous les grands monarques qui vont lui succéder, puisque Caligula, Charlemagne, le jeune Louis XIV, Napoléon, bien entendu, même Mussolini, tous ces gens-là célébreront le culte d'Auguste, en quelque sorte, son souvenir. Sa mémoire, Mussolini en 37 va même célébrer le bimillénaire d'Auguste. Or, paradoxalement, lorsqu'il arrive au pouvoir à Rome, on est là en 27 avant notre ère, alors je ne veux pas revenir sur toute la longue guerre civile que nous avons souvent racontée, vous savez, c'est le personnage dont nous parlons, c'est l'octave hein, de la succession immédiate de Jules César. Lorsqu'il arrive au pouvoir, il se présente comme le grand sauveur de la République. En ce premier siècle avant notre ère, la République romaine, disons-le, est un peu à bout de souffle. Il faut imaginer la vieille Rome à l'époque au bord du gouffre, délabrée, affaiblie par les années de guerre civile, donc pendant lesquelles les Romains se sont entretués. Voilà ce que nous dit Daniel Porte. La guerre a détruit, outre pas mal de vies, ce qui faisait la force de l'ourps, l'esprit romain, la cohésion nationale autour d'un idéal commun, sa grandeur et sa gloire. La conquête de l'Orient a fait connaître aux Romains d'autres modes de vie. Les délices et les mirages de l'Orient faisaient des ravages, insufflant le goût du luxe, voire de la débauche. Cette décadence avait commencé avec la fin des guerres puniques et à présent, elle se concrétisait avec les guerres civiles dont on émergeait à peine et avec peine. Si l'on poursuivait, on courait à la mort d'une civilisation. On était au bout du rouleau, si j'ose cette image. Auguste arrive donc à point nommé. Les Romains ont besoin d'un réformateur. Ils aspirent à retrouver un peu de lustre, à retrouver les heures glorieuses. Et au moment où Rome semble donc courir à sa perte, voilà que ce jeune et brillant, comment pourrait-on le nommer, homme d'État, apparaît presque comme un homme providentiel. Lorsqu'il arrive à Rome, son objectif est de rétablir la grandeur romaine. Mais d'abord, qui est-il, ce jeune homme qui prétend ainsi vouloir remettre la ville au pas? Au départ, il ne s'appelle donc pas Auguste, mais Caius Octavius, Octave. Il est né à Rome en septembre 63. 63 avant Jésus-Christ, hein, évidemment. Il n'est pas n'importe qui, puisque son oncle maternel est donc le grand Jules César, qui l'a adopté avant d'être assassiné. C'est ainsi qu'à 19 ans, Octave a hérité l'immense fortune de César. Il n'a évidemment ni le charisme ni le panache de son oncle, mais il est très intelligent, il est bon stratège et c'est un remarquable orateur. Surtout, il a une ambition, mais alors une ambition impressionnante. Il se considère comme le successeur naturel de César. Et après avoir traqué un à un les assassins de son oncle, il se présente au Sénat de Rome, il a 21 ans à l'époque, hein, pour réclamer l'héritage du dictateur, pour se faire octroyer le consulat. Et pour ça, il doit faire valoir ses droits. Il s'oppose, vous le savez, à Marc-Antoine, lors d'une bataille qui est restée célèbre, hein, la bataille d'Actium en 31 avant notre ère, grande bataille navale au large de Corfou, qui a décidé en quelque sorte du sort de tous ces hommes. L'affrontement a tourné à l'avantage d'Octave, qui va triompher. Rome lui revient, le voilà désormais seul détenteur du pouvoir, maître absolu, vainqueur. À la tête de ses troupes, il rentre donc à Rome, glorieux, défiant avec ses hommes la capitale du monde romain. Il va célébrer son triomphe. Et désormais, après toutes ces années tellement difficiles, ces années de guerre civile, il a l'intention d'instaurer la paix dans le monde romain, paix durable, solide. Et l'idée, c'est de reprendre tout ça en main. À Rome, Octave trouve le soutien du peuple et de la noblesse. En 30 avant notre ère, il est donc fait protecteur de la plèbe, et puis 2 ans plus tard, il reçoit le titre de princeps, qui est octroyé par le Sénat, ainsi que celui d'impérator, et le nom d'Auguste également, qui va ajouter à tout ce qu'il entreprend une sorte de qualité divine. Nous parlerons de ça tout à l'heure avec Daniel Porte, qui justement est spécialiste de la religion romaine. Auguste concentre désormais entre ses mains presque tous les pouvoirs, sans que personne s'en aperçoive, sans que les Romains aient véritablement confiance de la révolution qui est à l'œuvre. Le régime s'apprête à changer complètement de visage. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors cet après-midi, Franck, vous nous racontez la reprise en main de Rome par Auguste. Nous sommes au 1er siècle avant notre ère. Auguste prétend défendre la République. Pourtant, très vite, on se rend compte qu'il concentre presque tous les pouvoirs entre ses mains. Alors, quelle est vraiment la nature du régime qu'il est en train d'inaugurer là ? Mais vous me posez une question un peu embarrassante, là, Nissa. C'est complexe. Si vous voulez, le choix du titre qu'il va s'octroyer est essentiel. Il est même décisif. Il s'agit de ne pas aller braquer les Romains. Ouais. Le but d'Auguste, hein, c'est de réunir, c'est de rassurer. Et pour ça, il faut donc pas imposer trop de changements radicaux, du moins en apparence. Il a tout intérêt à ne pas s'octroyer le titre de roi, qui quand même dont la prétention, vous savez, a coûté la vie à César. Il peut pas non plus prendre le titre de dictateur, puisqu'il n'est donné théoriquement qu'en tant que péril, qu'en moment de péril national. Or, il veut absolument qu'on comprenne que Rome est désormais en paix. Il prend donc ce titre d'impérator, bon, que tant d'autres ont eu, mais surtout, il retient celui de princeps, qui veut dire le premier, tout simplement, le premier des sénateurs, si vous voulez, ça donnera le mot prince en français, titre qui déjà existait sous la République, donc ce n'est pas une révolution, si vous voulez. Le monde romain reste une république officiellement. D'ailleurs, Dion observe qu'Auguste est, je cite, « nommé prince du Sénat d'après les formes usitées sous un gouvernement purement républicain ». En apparence, car sans que les structures traditionnelles de la République aient été vraiment modifiées, en réalité, Auguste agit bel et bien comme un monarque. Alors, est-ce que c'est de l'hypocrisie ? Daniel Porte nous dit que la modestie d'Auguste est réelle. Auguste, dit-elle, je cite, est l'ennemi de tout ce qui ressemble à de l'influence. Il souhaite construire une dynastie, mais se refuse à faire passer la naissance avant le mérite. Et vous savez que, par exemple, il refuse que les sénateurs se lèvent lorsqu'ils quittent la curie. Il ne supporte pas non plus qu'on l'applaudisse quand il entre dans un théâtre. Un jour, alors qu'il est célébré par une énorme salve d'applaudissements dans un théâtre, il promulgue carrément un édit contre les manifestations de foule en son honneur. Il interdit le mot « maître » dans sa maison, aussi bien à ses esclaves qu'à ses propres familiers, hein, qu'à ses petits-fils. Bref, lorsqu'il s'installe au pouvoir, la première urgence pour Auguste est de reconstruire Rome. Cette cité dangereuses, mal famées. Vous savez qu'avec l'aide d'Agrippa, il va mettre en place un immense chantier destiné à embellir cette capitale. Il fait reconstruire tous les temples détruits pendant la guerre civile. Dans le centre de la ville, il complète le forum. Il fait reconstruire la basilique Iulia. Près du champ de Mars, il fait bâtir le fameux Panthéon sur lequel trône une grande statue à son effigie, tenant une lance à la main. Sur le Palatin, il fait édifier un temple majestueux, un temple en marbre de Carrare qu'il dédie à Apollon. Le temple est relié directement à sa demeure, la demeure où il vit avec sa femme, avec Livie. Il y a installé à l'étage son cabinet de travail dans une pièce au mur couvert de fresques, au plafond de stuc, au sol pavé de marbre. Bref, un raffinement de décoration qui contraste, disons-le, avec par ailleurs un mode de vie relativement sobre, car Auguste vit sobrement, il évite les excès. On le voit souvent dîner d'une tranche de pain trempée dans de l'eau fraîche avec du concombre et de la laitue. Enfin, vous voyez, il lutte contre l'extravagance de certains sénateurs qui n'hésitent pas à dépenser des sommes extravagantes, vous savez, pour organiser des fêtes inouïes ou se faire construire de somptueuses demeures. Auguste veut un retour à une certaine discipline, une certaine rigueur républicaine romaine, si vous voulez, une certaine transparence aussi. Et depuis son Palatin, il a bien l'intention de gouverner le monde romain. Parce qu'on ne peut pas parler que de la ville, la capitale. Il y a cet immense domaine qui s'étend sur tant de contrées. Il entend gouverner tout cela avec le plus de sagesse et de droiture possible. Il s'entoure de conseillers qui sont tirés au sort chaque semestre, ce qui évite les accusations de favoritisme. Ceux qui préparent les séances plénières du Sénat sont donc en théorie des gens impartiaux. Et puis, il prétend restaurer la République. Il se doit de redonner toute sa place au Sénat. Il se livre à une véritable épuration au sein même de ce Sénat, ce qui veut dire que d'abord il va limiter le nombre de sénateurs. Il évince les sénateurs d'outre-tombe que César avait fait entrer au Sénat pour bien d'autres raisons que pour leur mérite. Bref, il est en train, comme nous dirions nous aujourd'hui, de moraliser la vie publique. Il redonne son importance aux institutions. Alors, il se met à convoquer de plus en plus fréquemment les sénateurs dans sa demeure du Palatin, au lieu d'aller lui-même à la curie, quand même. Cela manifestait clairement la prééminence du prince dans la conduite des affaires, nous dit Pierre Combe. Il est vraisemblable que les sénateurs se réunissaient alors dans la bibliothèque latine attenante au temple d'Apollon, ornée de portraits d'auteurs anciens et de grands hommes. Auguste lui-même y figurait en Apollon. On a compris le lien direct. Il faut dire qu'Auguste est un excellent, un excellent communicant. C'est un homme qui sait jouer avec les symboles. Il déploie des efforts considérables pour maîtriser son image, multiplie les portraits, les statues à son effigie qui se diffusent dans tout l'État romain comme un outil de propagande. Et en 17 avant Jésus-Christ, pour tenter de cimenter une sorte d'esprit national et civique, il célèbre à Rome de grands jeux séculaires. Alors bon, ce sont les gladiateurs, les courses de chars, vous connaissez tout ça, les processions de jeunes gens chantant des hymnes composés par Horace. On reparlera d'Horace, évidemment, et des autres poètes du siècle. Et puis les banquets, etc. Vous comprenez que tout est fait pour redonner aux gens foi dans leur propre grandeur, d'une certaine manière. Et depuis sa loge, alors qu'Auguste préside lui-même les jeux, bien entendu, on le voit dans une sorte de posture qui est quasiment... il est statufié vivant d'une certaine manière. Il ne supporte aucun débordement. Il a interdit aux sénateurs de descendre dans l'arène pour qu'ils ne perdent pas de leur prestige. Il leur fait attribuer des gradins d'honneur en bas de l'amphithéâtre, tandis que la plèbe est placée beaucoup plus haut. Les femmes sont reléguées tout en haut du théâtre et elles sont clairement maintenant séparées des hommes. Et par décret, Auguste a interdit aux gens vêtus de noir l'accès aux lieux de spectacle. Il a proscrit les grands manteaux qui cachent les toges et qui pourraient cacher autre chose que les toges. Rappelez-vous l'assassinat de César. En fait, ce qu'Auguste semble s'appliquer à faire, sans avoir l'air d'y toucher, c'est le retour aux origines, le retour à la Rome de Romulus, si vous voulez. Pour cela, il lui faut redresser les mœurs, il lui faut corriger les apparences. Bref, serrer la bride, on donne un tour de vis, si je puis dire. En réalité, ce qui est en train de se mettre en place, c'est une sorte de révolution silencieuse et une révolution qui a quelque chose d'un retour au passé, si vous voulez. Sans que les Romains s'en rendent réellement compte, la Rome du 1er siècle est en train de se mettre à vivre et à penser un peu comme elle le faisait sept ou en tout cas six siècles plus tôt. Jusqu'où ? Auguste est-il prêt à aller dans ce retour au passé? Vous allez voir, à mon avis, plus loin que vous ne l'imaginez. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Nous sommes au cœur de l'histoire d'Auguste cet après-midi sur Europe 1. Alors si vous venez de l'entendre, on vient de le constater, Auguste est en train de mettre en place une véritable révolution, une révolution passéiste. Il va aller jusqu'où dans ce retour dans le passé? C'est un redressement des mœurs, si vous voulez. Et il lui faut bien sûr, encore une fois l'image, le soutien des poètes, qui sont les gens d'image de l'époque. Ovide écrit ainsi: l'épouse doit craindre son époux. Il faut mettre bien au point la surveillance de l'épouse. C'est ce qui est convenable, ce qu'ordonnent les lois, notre chef et la pudeur. Voilà, ça fait clair au moins. Ce qui est drôle, c'est que ce soit Ovide qui écrive ça, mais enfin bon, nous y reviendrons. Il faut lutter donc contre l'adultère, veiller à ce que les couples soient solidement établis, retrouver des pratiques délaissées. Auguste en appelle clairement, ouvertement aux traditions. Il recourt aux grandes valeurs qui ont inspiré les ancêtres, s'abrite derrière le label « vieille Rome », nous dit Daniel Porte. Il remet au goût du jour des pratiques qui n'avaient plus cours, comme celle de l'augura du salut, l'augurium salutis, qui est une cérémonie tombée en désuétude à l'époque depuis longtemps et pendant laquelle on adresse des prières à la déesse Salus. Auguste oblige les sénateurs à brûler de l'encens avant les séances de l'assemblée, à faire une libation, etc., c'est-à-dire à verser quelques gouttes de lait et d'huile d'olive sur l'autel en offrande. Bref, des pratiques qu'on avait depuis longtemps abandonnées. On reparla de divinités perdues dans la nuit des temps, nous dit Daniel Porte. On ressuscita à leur service des sacerdoces oubliés. On exhuma des gestes, des paroles, des rituels dépourvus de toute signification, mais qui, un jour, avaient fait leurs preuves. Pas de remuement drastique. On ne change ni un mot, ni un geste aux formules et aux actes qui ont fait leurs preuves, quand bien même n'en comprendrait-on plus ni le sens ni l'usage. Ça, c'est ce qui s'appelle la ritualisation de la vie publique et c'est un des éléments fondateurs du nouveau régime. Et pendant l'hiver 23-22 avant Jésus-Christ, une violente épidémie de peste frappe Rome, s'y ajoutent de puissants orages, des inondations, la crue du Tibre détruit les récoltes, les Romains sont contraints de se déplacer en barque dans la ville, ils s'inquiètent de l'avenir et ils voient là de sinistres présages, d'autant que la foudre s'est abattue en plein Panthéon et a fait perdre sa lance à la statue d'Auguste. Vous avouerez que le symbole est terrible, surtout dans un régime qui accorde une telle importance au symbole. Et là, la plèbe est prise de panique dans un mouvement de foule. Elle se dirige droit vers la curie, implore l'aide d'Auguste. La foule menace de mettre le feu au Sénat. Elle demande à ce que l'on confie à Auguste le titre de dictateur. Et c'est Suétone qui raconte qu'alors, Auguste refuse de prendre ce titre, loin d'y consentir. Il déchire ses vêtements quand il voit qu'il ne peut retenir le peuple par aucun autre moyen, ni par ses paroles, ni par ses prières. Il accepte cependant de prendre en charge le ravitaillement de Rome et très vite, les choses vont rentrer, vont reprendre leur cours, si je puis dire. Devant le peuple implorant, Auguste aura donc, dans le moment le plus dramatique, refusé qu'on lui octroie ce titre de dictateur qui va contre son idée d'une pacification générale et d'une installation dans la durée. En cette année 23 avant Jésus-Christ, son état de santé est assez mauvais. Quelques années plus tard, retour d'un voyage en compagnie, il tombera vraiment malade. Et lorsqu'il verra, mais alors on est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard, lorsqu'il verra son heure venue, il demandera à ce qu'on lui apporte un miroir, il arrangera sa chevelure et puis il fera venir à son chevet ses amis. « J'ai trouvé une Rome de briques. » « Je vous laisse une Rome de marbre », leur dit-il. Et si l'on en croit Suétone, il leur aurait demandé « Ai-je bien joué le drame de ma vie ? Si le spectacle vous a plu, applaudissez tous » et on connaît son dernier mot, son dernier souffle, « Acta est fabula », la pièce est jouée. Bonjour Daniel Porte. Bonjour Franck. On a toujours quelques scrupules à prononcer des mots latins devant vous. Cet Auguste est exactement le contraire de ce qu'on aurait pu imaginer à l'époque où, jeune, bouillant guerrier Octave, il donnait beaucoup de fil à retordre à ses ennemis, à commencer par Antoine. Une fois installé au pouvoir, c'est une statue qui dirige Rome. Absolument, c'est un passage extraordinaire qui fait tout l'intérêt du personnage d'Auguste d'ailleurs. C'est le personnage de la transition et surtout le personnage à deux faces. Une première face où c'est un véritable monstre, et une deuxième face où, au contraire, c'est un souverain apaisé, avec un programme surtout, qui est jeune, qui est beau, qui séduit tous les cœurs, etc. Oui. Mais oui. On est presque chez Racine, là. Ben justement, la formule était étudiée pour. Et donc, un personnage qui change carrément, qui a deux faces, c'est le miroir à deux faces, si vous voulez, ou l'aigle à deux têtes, et un personnage qui va donc se révéler une providence pour une Rome à bout de souffle. Mais on a un peu l'impression, ça fait un peu songer, au début du mandat de Bonaparte, premier consul, après le coup d'État. C'est-à-dire qu'on sortait de cette longue et pénible période, enfin pénible pour le quotidien des gens, de la longue Révolution française, notamment cette période du Directoire où tout allait de mal en pis. Et d'un seul coup, on a un jeune homme qui prend le pouvoir en main et qui met tout en coupe réglée. C'était un peu ça ce qu'avait fait Auguste à l'époque. Et là, on peut dire qu'il y est allé avec un bras de fer, comme vous disiez, parce que quand il est descendu à la tête des troupes des vétérans de César qui étaient vraiment attachés à leur chef et qui regrettaient, bien entendu, le sort qui lui avait été réservé. Et qui aurait pu être son père, le père. Il était probablement le petit-neveu de César et adopté par lui, mais il avait 19 ans donc. Et à 19 ans, on ne savait pas trop ce qu'il allait faire. Lui non plus ne le savait pas, puisqu'il avait toujours le réflexe de demander leur avis à ses amis, à sa famille, etc. Il est balance, hein, n'est-ce pas? Donc, il ne pouvait pas se décider tout seul. Il avait besoin d'appui. Et à ce moment-là, il a franchi le Rubicon, si l'on peut dire aussi, et il est descendu sur Rome à la tête des vétérans de César. Et il a dit au Sénat, si vous ne le faites pas consul, voilà qui va s'en charger. Et l'officier qui était à côté de lui avait un glaive à la main, il a tiré le glaive, tout le monde a compris. Donc là, c'était son dernier exploit, si l'on peut dire, guerrier. Militaire, oui, voilà. Oui. Et ensuite, alors là, il est devenu le prince parfait. Autrement dit, il a donné l'exemple, il a compris les grandes valeurs qui avaient donné à la République sa grandeur. Et il a donc essayé de gouverner comme on aurait gouverné à l'époque de Romulus. Et le plus beau, je crois, dans l'histoire, c'est que le peuple a marché. Et oui. C'est ce qui est fabuleux, ça. Mais est-ce que ce n'est pas ce à quoi aspiraient les Romains à l'époque? Ils avaient besoin de tranquillité, de paix et de stabilité. Oui, la Pax Augusta, ça n'est pas rien du tout. Et les Romains étaient en sorte désabusés complètement parce que, si vous voulez, la grandeur de Rome était fondée sur la continuité. La continuité, c'est le stoïcisme. Et avec les guerres civiles, on s'apercevait qu'on n'était pas sûr, le lendemain, d'être en vie. Donc c'était l'épicurisme qui l'avait emporté, et les Romains étaient tous devenus épicuriens, c'est-à-dire, d'ailleurs, c'est Horace qui l'a dit, carpe diem, cueille le jour. Donc, on profitait de chaque instant, tant que c'était possible. Tant que c'était possible, parce que demain ne sera peut-être pas celui qui te verra en vie. Ça fait penser à notre époque un peu, ça. Bref, même beaucoup, oui. Fermons la parenthèse. Oui, mais elle s'imposait. Et là, il a réussi donc à remotiver les Romains en se fondant sur un certain nombre de principes, mais il a essayé de ramener les gens à l'époque antique. Et là, c'était quelque chose qui, effectivement, était une aspiration des Romains, mais qui était dans les gènes. Le retour au passé, ou l'exploitation du passé, c'était quelque chose qui tenait à cœur à tous les Romains et qui était poussé jusqu'à des limites. Par exemple, quand on avait un jugement, on cherchait dans les archives, au lieu de juger ce qu'on était en train de discuter, ce qu'on était en train de juger, on allait chercher dans les archives pour trouver un cas analogue à l'époque des ancêtres. Et on donnait un verdict conforme à celui qu'avaient donné les ancêtres. Oui, ça, c'est tout de même un peu fort. Il ne faisait que mettre en avant un certain nombre de traits profonds du tempérament romain, qui d'ailleurs ensuite sera transmis à bien d'autres civilisations dans le futur. Est-ce que Auguste était seul au pouvoir, si je puis dire? Est-ce que cette espèce de pacification générale avait été préméditée? Est-ce qu'il était entouré? Est-ce qu'il y avait des conseillers? C'est ce que nous allons voir dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire d'Auguste cet après-midi sur Europe 1. Auguste, l'homme politique. Et nous allons plus loin, nous apprenons à connaître cet homme grâce à votre invité Franck. Vous recevez Daniel Porte, elle est maître de conférence honoraire à l'université Paris 4 Sorbonne, spécialiste de l'histoire romaine et l'auteur du dictionnaire du siècle d'Auguste, Auguste mot à mot, paru chez Honoré Champion. Est-ce que vous savez, Daniel, quel est... Qui avait l'oreille d'Auguste? Quels étaient ses conseillers? Oh oui, et pour cause. Et pour cause. C'était évidemment Mécène et Agrippa, qui étaient ses deux appuis, sans lesquels il n'aurait jamais rien fait, parce que Agrippa lui a gagné à peu près toutes ses batailles. Agrippa, c'est le militaire. Hein. C'est le militaire. Et c'était son gendre aussi. Donner, hein. Donner un peu l'allure du bonhomme, à quoi, quel genre Il était très bien. Quel genre de général. Il était beau gosse, si l'on peut dire aussi. Et il a été le gendre d'Auguste. Il lui a donné, enfin sa fille, il lui a donné 5 enfants. Et c'était un stratège hors pair. C'est lui qui lui a gagné Actium, par exemple, avec Messala de l'autre côté. Il était là depuis le début, puisque on raconte que quand ils étaient tous les deux adolescents, ils étaient à Apollonie, faisaient leurs études. C'est pour ça d'ailleurs que Auguste adore Apollon, parce que ses premiers germes de trône sont nés à Apollonie. Donc on lui a dit qu'il régnerait, si l'on peut dire, mais ça a été assez curieux. Ils sont montés avec Agrippa dans l'observatoire d'un astrologue qui s'appelle Théagène, et Agrippa a tendu sa main, et le Théagène en question lui a donné des assurances fabuleuses sur son avenir. Et Octave, à ce moment-là, ne voulait pas donner sa main. Et puis, bon, il l'a quand même donnée, et le philosophe, il était aussi philosophe, s'est prosterné à ses pieds en disant qu'il serait le plus grand du monde. Alors, que voulez-vous de mieux ? Alors, Agrippa était là. Et il a toujours été d'une fidélité exemplaire. Ce qui est admirable, c'est que justement, il aurait pu, lui aussi, s'arroger le trône. Mais non, il est resté le fidèle entre les fidèles. Oui, voilà. Ah oui. Et Mécène ? Alors Mécène, c'est un petit peu différent. Lui, c'est au contraire la culture, c'est justement épicurien. C'est le goût de la vie et c'est le fait de voir ce qui est positif. Il était aussi important pour Mécène de donner un genre de programme de gouvernement à Auguste. Et c'est ce qu'il fait dans un immense discours que rapporte Dion Cassius, où il y a d'un côté ce que dit Agrippa, et de l'autre côté ce que dit Mécène. Et c'est Mécène qui lui a dit d'ailleurs, tu vas devoir agir comme si tu étais sur la scène d'un théâtre. D'où d'ailleurs le Acta est Fabula, je pense qu'Auguste s'en est souvenu. Donc il était là pour lui donner des conseils de diplomatie, parce que Auguste n'avait peut-être pas la diplomatie innée, mais Mécène l'avait. Et lui était un descendant des rois étrusques. C'est le fameux vers d'Horace, toi, Attawis, edite regibus, toi qui avais des ancêtres étrusques, et on sait que les étrusques étaient justement, avec un certain sourire, étaient des diplomates nés. Donc lui, il a été de ce côté-là. Alors ça, ce sont les conseillers du prince. Il y a aussi ceux qui vont se faire l'écho de sa pensée. Ce sont tous les poètes dont s'entoure Auguste. Si on parle du siècle d'Auguste, comme on a parlé en Grèce du siècle de Périclès, ou comme on parlera en Occident du siècle de Louis XIV, c'est parce qu'il est entouré de grands esprits qui vont faire briller son temps, son siècle. Alors là-dedans, il faudrait faire le tri, si vous voulez, que l'émission ne se prolonge pas trop. Mais je pensais évidemment à Ovide et Virgile. Ovide et Virgile, Horace aussi d'ailleurs. Horace, oui. Oui, Horace, c'est l'exploitation justement de la dolce vita, mais dans un bon sens, de l'otium. Autrement dit, le temps libre. Alors que jusque-là, les Romains consacraient toutes leurs énergies à la guerre. Maintenant, non, on va pouvoir vivre pour soi. Et c'est là aussi un des grands acquis du siècle d'Auguste. Alors, vous avez Virgile, bien évidemment. Alors, Virgile, lui, c'est le plus subtil de tous, je crois, dans l'exploitation des intentions d'Auguste. Parce que vous avez Aîné, donc, qui descend aux enfers, ça c'est connu, mais vous avez là la description du bouclier d'Aîné. Et c'est une façon d'anticiper, c'est ça qui est génial, je trouve, d'anticiper la suite. Parce que sur le bouclier d'Aîné sont ciselés tous les grands hommes qui vont faire Rome. Et qui vont faire Rome quand ils vivront, bien sûr. Il y a aussi la promenade aux enfers avec Anchise, son père qui est mort, donc avec l'ombre d'Anchise, et avec la Sibylle. Et là aussi, on va voir défiler tous les hommes historiques, pas légendaires, historiques, qui vont faire Rome. Donc, ce qu'on ne pouvait pas dire, puisque Aîné était le fondateur de la race, on ne pouvait pas lui faire raconter l'histoire de Rome, c'est évident. Donc, on la lui fait anticiper. Et ça, je pense que c'est une trouvaille de Virgile. On joue beaucoup avec le temps, d'une certaine manière. Oui. Et ce qui est assez étonnant, c'est que En voulant revenir aux grands fondements du passé, on est en train d'inventer l'avenir et de redonner à Rome de la force, de l'énergie pour les siècles qui vont suivre. Il n'y a pas eu de révolution brutale en quelque sorte. Ah non. La révolution a été très profonde, incroyablement féconde, mais elle n'a pas été visible. Je pense que pour les Romains de l'époque, on n'a pas vu de changement d'institution. Rien n'a changé, non, bien sûr. Et par exemple, c'est Tite Live, puisque vous parliez des auteurs, qui a inventé, entre guillemets, le roman national en centrant toute son histoire sur les grandes figures, sur les héros qui ne sont pas... Alors là, il faut faire attention avec le mot « roman ». Je l'utilise parce que c'est dans l'air du temps, si vous voulez. Oui, on parle beaucoup de roman national. Oui. En fait, non, c'est pas tout à fait cela. Parce que Tite Live a des sources qui sont Timée, qui sont Ennius, etc., Posidonius. Et donc, il cite ses sources. Pour certaines, nous n'avons plus, nous, bien sûr, mais nous les avons à travers lui, disons. Oui, avec quand même quelques petites citations de Timée, d'Ennius, par exemple, on les a. Et donc, c'est un retour de l'histoire avec l'exploitation des vertus ancestrales, puisque c'est un raisonnement qui se tient. Du moment qu'elles ont fait la grandeur de Rome, il n'y a pas de raison qu'elles ne recommencent pas à le faire. Mais alors, on a l'impression, lorsqu'on feuillette, lorsqu'on lit, lorsqu'on entre dans les entrées, c'est le cas de dire, les articles de votre dictionnaire du siècle d'Auguste, on a l'impression que tout ça vit dans une sorte de tranquillité, d'amplitude, d'envergure. Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'ennui, finalement, dans ce régime augustéen ? Ça m'étonnerait tout de même. Il y avait un tel désir de paix que, du moment qu'on était vivant, qu'on venait de survivre à des époques terribles, parce que lorsqu'Auguste est arrivé au pouvoir, il y a eu tout de même l'épuration des proscriptions. 300 sénateurs y sont passés, dans des conditions souvent assez effroyables. On raconte toujours l'histoire du premier qui a été tué, si vous voulez, et qui était en train de banqueter joyeusement. Alors les assassins sont arrivés, lui ont tranché la tête, et il est resté au milieu des gens qui n'avaient pas la permission de bouger jusqu'au lendemain matin, et donc ils ont dû rester à côté d'un cadavre décapité. Bon, on peut trouver mieux comme fin, si vous voulez. Donc, on avait un tel souvenir qu'il n'y a pas eu de révolution. Et d'un autre côté, il faut penser aussi que le temps a passé depuis les grandes époques de Cicéron, César, etc., etc., et que maintenant, il y a tellement de gens qui n'avaient jamais connu la République, ou du moins qu'ils l'avaient connue quand ils avaient 12 ans, qu'on ne voyait pas pourquoi ils auraient demandé le retour à un régime qui ne leur convenait pas. Nous parlons beaucoup de politique, de régime, d'institution. Qu'en est-il de la religion ? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un renouveau religieux sous le siècle d'Auguste ? Nous y venons d'ailleurs, si vous voulez, dans un instant. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire du siècle d'Auguste avec votre invité Franck Ferrand. Vous recevez Danielle Porte. Elle est maître de conférences honoraires à l'université Paris 4 Sorbonne, spécialiste de l'histoire romaine et elle est aussi l'auteur du dictionnaire du siècle d'Auguste, Auguste mot à mot, paru chez Honoré Champion. Mot à mot avec des entrées très étonnantes. L'entrée oreiller, par exemple. Racontez-nous ça. À l'entrée oreiller, c'est simplement une anecdote qui m'a été permise à cause de la forme dictionnaire. Mmh. Autrement dit, on peut mettre dans un dictionnaire des choses qu'on ne mettrait pas dans une biographie parce qu'on ne saurait pas où les mettre. Voilà. Et là, c'est Auguste qui simplement demande à ce qu'on lui achète aux enchères, lors d'une mise aux enchères, de la succession d'un homme. Il demande qu'on lui achète son oreiller. Pourquoi ? Parce que le monsieur en question était criblé de dettes. C'était un banquier qui avait fait faillite, qui avait tué, moralement parlant, beaucoup de gens. Et Auguste se demandait comment il avait pu trouver le sommeil. Et donc, il a demandé à ce qu'on lui achète son oreiller. Belle image. On sent que vous vous êtes bien amusé à écrire ce dictionnaire. Oh oui. Et c'est le fruit de très, très, très longues pérégrinations à travers la littérature antique, disons-le. Oui. Vous connaissez ça par cœur. Ben oui. Cette religion dont je parlais, c'est la vieille religion romaine, elle prend un nouveau souffle sous le règne d'Auguste ? Oui, et elle prend un nouveau souffle à cause justement des instructions d'Auguste. Alors on a dit, enfin vous avez dit plus exactement, que c'était le retour aux origines avec les sacerdoces, mmh. avec l'augurat du salut justement, c'était la prière pour qu'on demande si on avait le droit de demander quelque chose à un dieu. Vous vous rendez compte? Il y avait aussi donc ces fameux sodales titii, c'est-à-dire des gens qui s'occupaient du culte du roi Titus Statius, qui était le co-régent de Romulus. Vous vous rendez compte aussi? On ne va pas demander aux gens de s'occuper de ce qui se passait sous Charlemagne actuellement, ou alors ils trouveraient ça très drôle. Alors, le renouveau, c'est simplement de demander aux poètes d'ancrer leurs écrits dans la réalité d'antique. Autrement dit, on va par exemple voir Ovide écrire les fastes. Les fastes, qu'est-ce que c'est? C'est un calendrier écrit mais sur parchemin, qui permet d'installer dans le calendrier une quantité astronomique d'innovations, d'anniversaires impériaux, d'anniversaires de batailles, d'anniversaires de temples, etc., etc. Bon. Et surtout, l'intérêt d'un calendrier comme cela, c'est qu'il y a la répétition. Autrement dit, tous les premiers de l'an, on va savoir que... Bon, tous les 30... Le premier de l'an, à l'époque, c'est le 1er mars. C'est le 1er mars, puis après, ça va être le 1er janvier. Et on va savoir qu'il s'est passé telle ou telle chose, qu'il y a eu telle ou telle décision prise, alors que sur un calendrier en pierre gravé, on ne peut pas inscrire n'importe quoi et on ne peut surtout pas rajouter. Tandis que là, on va rajouter tous les anniversaires impériaux, évidemment, on va rajouter quantité de fondations de temples et ça passe par les oreilles, bien sûr, et par les yeux du peuple aussi. De la même façon, on va avoir sur les grands reliefs de l'Arapakis, par exemple, ou du temple de Marsultor, on va avoir le défilé des grandes figures de Rome. Et là, c'est un peu pareil, on prêche l'exemple par l'œil, parce que les gens défilent devant ces grandes figures et du coup, ils absorbent sans douleur, je veux dire, et au contraire, en douceur, les grandes idées que le régime veut leur inculquer. Finalement, Rome trouve sa noblesse sous le règne d'Auguste. On a l'impression que cette construction romaine qui a duré des siècles pendant l'époque républicaine, puis ensuite cette longue décadence pendant l'époque impériale, tout ça se trouve de part et d'autre d'un sommet, voilà. D'une acmé, d'un apogée, disons les choses. Et ça, c'est le règne d'Auguste. Absolument. Il a voulu repartir à zéro. Il est donc revenu aux origines dans l'idée de rendre à Rome sa fierté nationale, hein, et son patriotisme aussi, parce que le patriotisme s'était un peu effiloché au fil des temps avec l'arrivée de tous les Orientaux qui avaient beaucoup gauchi l'idéal national, qui était quand même la rigueur, la tempérance, le sérieux, l'acharnement, la discipline surtout. Et donc tout cela était parti un peu à volo. Quelle est justement la politique d'Auguste vis-à-vis des marches de l'Empire? Comment gère-t-il la politique étrangère, si je puis dire? Il la gère par gouverneur interposé, mais il va souvent lui-même visiter les pays étrangers pour les convaincre de l'intérêt qu'ils ont de rester fidèles à Rome. Il y a un seul pays qui n'avait jamais été vaincu, même par Jules César, c'est le pays des Parthes. Et le pays des Parthes avait été peut-être un peu la cause de la mort de Jules César, parce qu'un oracle de la Sibylle avait dit que seul un roi pourrait vaincre les Parthes. Et c'est pour ça que César s'acharnait à se faire appeler roi. Alors, il n'a jamais pu vaincre les Parthes, puisqu'il a été tué justement avant, parce qu'on ne voulait pas qu'il aille vaincre les Parthes. Et notre Auguste, lui, a négocié avec le descendant du roi Parthe de l'époque de Jules César, c'est-à-dire Pacorus, et on lui a remis les enseignes qui avaient été prises à Crassus lors du désastre affreux des Carae, qui avait donc coûté la vie à Crassus. On lui avait coupé la tête, comme il était très riche, et on lui avait enfilé, si on peut dire, de force dans le crâne, quand il était mort, de l'or fondu, pour lui montrer ce que c'était que la richesse en réalité. Donc il y a eu un désastre effroyable, et tout à coup, voilà qu'on rend à Auguste les enseignes prises à l'époque. Alors les enseignes, c'est très important, parce que les enseignes sont au début de l'armée, et c'est donc le début, ce qui fait qu'elles mènent pratiquement l'armée avec l'aigle qui les surmonte, et Auguste a tellement apprécié ce geste du roi des Parthes qu'il l'a fait ciseler sur sa cuirasse, la fameuse cuirasse de sa statue de la Prima Porta. Et là, au moins, on voyait que Rome régnait sur les étrangers, mais pas avec la guerre. C'est ça qui est important. Auguste n'a pas... C'est la Pax Romana. Voilà, absolument. Ce règne, il peut être scindé en plusieurs partie? Est-ce qu'il y a des épisodes particuliers? On peut dire qu'il y a plusieurs phases du règne d'Auguste? Oh, je ne pense pas. Ça a été vraiment la phase... On a l'impression d'une seule coulée, comme montée, ça. Une montée, voilà. Oui. Une montée, et pas une descente, mais un arrêt sur l'image au sommet. C'est après qu'il y aura, avec Tibère, malheureusement, et puis les successeurs. Très, très long règne, Auguste, hein, quand même, puisqu'il ne meurt qu'en 14. Mais bien sûr, il avait 75 ans, donc il a quand même vécu pas mal de temps et il a pu appliquer ses réformes pas mal de temps. Alors après, évidemment, il y a eu la redescente, parce que lui était ce qu'il était, c'est-à-dire un prince au noble sens du terme, un premier citoyen. Et après, on n'a plus tellement apprécié cet idéal, on s'est dépêché de revenir à l'ancien ordre de choses. Donc lui, c'était un idéal. Et cet idéal était concrétisé par son surnom d'Augustus, c'est-à-dire celui qui augmente, augeo. Et c'est celui dont... L'homme de la croissance, en quelque sorte. Oui, et aussi, il y a aussi autre chose de divin là-dedans. C'est l'homme qui, par son seul charisme, est capable de modifier les choses. Donc, c'est celui qui ajoute un petit quelque chose à une résolution, par exemple. Qui apporte la transcendance, voilà, quoi, tout simplement. Exactement. Donc ça, c'est une dimension divine. Mais bien sûr, c'est pour ça qu'il a été ensuite divinisé. Il est à la fois Dieu sur terre et moine au pouvoir, d'une certaine manière. Exactement. Il se contentait de très très peu. Il a donné l'exemple aussi pour ses vêtements. Il faisait tisser ses toges par ses petites filles. Alors, il était vêtu vraiment comme un moine, précisément. Il marchait souvent les pieds nus. Il avait un grand chapeau de soleil. Il était d'une simplicité, j'allais dire, évangélique. Oui, si l'on peut dire. C'était en fil, on peut dire, oui. C'est la bonne époque, en tout cas. C'est la bonne époque. Ben oui, puisque la transition s'effectue quand même sous son règne. Et la transition, c'est aussi la transition d'une ère sur une autre ère. Hein. N'oublions pas que c'est la fin de la République. C'est la fin du siècle qu'on a appelé le siècle étrusque. Et après, on va changer le compte aussi. Vous savez qu'on a avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Ben ça se passe sous le règne d'Auguste. Mais bien sûr, hein, bien et sûr. Oui. Auguste, c'est l'an zéro. D'ailleurs, c'est la date que j'ai choisie pour fixer cette émission, nous, dans nos archives. Le prince s'annexant sous des dehors de parfaite obéissance aux institutions républicaines l'essentiel de tous les pouvoirs, la vie politique, raison de vivre de tous les Romains jusque-là, s'étiola et perdit tout attrait pour des hommes que ne concernait plus l'exercice du pouvoir, nous dites-vous. C'est l'origine de cet otium dont vous nous parlez tout à l'heure. C'est l'origine de l'oisiveté créatrice de ces Romains patriciens qui vont... Exactement. Et ça aussi donnait naissance à un renouveau ou même une nouveauté, c'est la culture. Justement parce que les grands politiques n'ayant plus rien à faire sur le plan politique n'avaient plus qu'à discuter de sujets qui n'étaient pas passionnants. Donc ils vont se tourner vers autre chose, vers les arts, voilà, vers la culture, vers la création. Et on a créé les réquinationes, c'est-à-dire les récitations exactement, donc les débats publics. Et là, ils ont pu se réconcilier avec l'exercice de la politique, mais ça n'avait plus aucune incidence sur la réelle politique. Mais on pouvait discuter tranquillement entre connaisseurs des événements et de la philosophie politique, hein, surtout. Merci beaucoup, Daniel Porte. Votre dictionnaire du siècle d'Auguste, Auguste mot à mot, est publié chez Honoré Champion. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et depuis 14h, nous sommes au cœur de l'histoire d'Auguste. Nous avons donc beaucoup parlé de Rome. Il est temps d'aller sur place avec le bon plan de Lorena Martin cet après-midi. Et vous nous proposez d'aller visiter Rome avec ceux qui savent la faire visiter. Bonjour Lorena. Oui, bonjour Franck. Oui, l'association Visite Rome, qui est une association de guides conférenciers officiels de la ville de Rome, mm-hmm, avec des historiens de l'art, des archéologues ou architectes. Et ils proposent des visites guidées en français, bien sûr. Dont une s'appelle Sur les pas d'Auguste. Oui, parce qu'ils s'adaptent à toutes vos envies, des visites classiques en petits groupes ou des visites privées sur un thème préétabli ou de votre choix. Et là, l'une d'elles est Sur les pas d'Auguste. Et la promenade commence par le musée de l'Arapakis, dont vous avez parlé, l'hôtel de la paix, qui est le monument de la Rome antique qui se situe sur la Via Flaminia dans la zone du Champ de Mars, septentrionale, qui avait été édifié par Auguste entre 13 et 9 avant Jésus-Christ. en l'honneur de la paix pour célébrer son retour victorieux d'Espagne et des provinces de Gaulle. En fait, on l'a redécouvert à l'époque mussolinienne, exactement, cet hôtel. Exactement. En fait, il avait été enfoui à cause d'inondations fréquentes du Tibre. Redécouvert, il n'a été reconstruit qu'en 1938. Il se dégradait beaucoup et depuis 2006, c'est un bâtiment moderne qui l'abrite et qui fait l'objet, bien sûr, de beaucoup de controverses. Alors, à côté de ça, il y a le fameux mausolée d'Auguste qui est en ce moment en travaux, ouais. Au on moins jusqu'au printemps 19. Pour le voilà. Moment, puis l'intérieur à partir d'avril 2019. Et on peut remonter vers l'obélisque du Monte Citorio. Ramené par Octave Auguste à la suite de la bataille d'Actium. Mmh. Je vous passe encore les détails sur son histoire. Il a été lui aussi brisé, enfoui, puis reconstitué. Et ensuite, on peut poursuivre notre petit périple par les Champs de Mars et s'arrêter au Panthéon, qui est certes un réaménagement de l'empereur Adrien, mais le premier. Le Panthéon daté, qu'on voit en ce moment, c'est celui d'Adrien. D'Adrien, mais le premier daté du règne d'Auguste, avec cette sublime coupole immense parmi les plus grandes du monde, qui mesure plus de 40 mètres de diamètre à l'intérieur. Il y a le Forum d'Auguste, bien entendu. Le Forum d'Auguste, qui est à côté du Colisée et puis surtout du Forum de Jules César. Et si l'on veut se rendre compte de ce qu'était le Forum à l'époque d'Auguste, puisque là, il est quand même encore en ruine, vous pouvez voir les maquettes qui se trouvent au musée des forums impériaux, aménagées à l'intérieur des marchés de Trajan. Et puis, il faut aller voir les villas d'Auguste et de Livie, bien sûr, hein, de son épouse. C'est vraiment la visite sur les pas d'Auguste, mais il y a deux autres visites qu'on peut faire qui sont liées à Auguste. Le Mont Palatin, bien sûr, dont vous avez parlé. C'est là qu'il choisit donc de bâtir son palais impérial avec la maison d'Auguste et la maison de Livie. Et enfin, le palais Massimo, qui est le musée national archéologique à côté des thermes de Dioclétien, où l'on retrouve notamment au dernier étage les fresques magnifiques du jardin peint qui figuraient dans la salle à manger de Livie. C'est d'une beauté, ça, avec tous ces petits oiseaux. C'est absolument extraordinaire. Merci beaucoup, Lorena. On avait presque l'impression d'être à Rome. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Tous les jours en fin d'émission, vous nous proposez de découvrir les origines d'une tradition, d'une invention. Aujourd'hui, c'est une phrase qui est à l'honneur. Oui. Nous trouverons un chemin ou nous en créerons un. Alors, qui et quand a été prononcée cette phrase ? Nous en créerons un. Vous imaginez quand même l'infatuation qu'il faut à un chef militaire pour, ou en même temps la volonté, le besoin d'entraîner ses hommes. L'homme en question, vous aurez bien compris que c'est Hannibal. Hannibal, grand chef carthaginois, hein. Nous sommes là au moment de la deuxième guerre punique, c'est-à-dire entre 218 et 202 avant Jésus-Christ. Ça nous ramène deux siècles avant Auguste. Et Hannibal va prononcer cette phrase. Il est en Gaule. Vous savez, il est passé par la péninsule ibérique, il est passé par le sud de la Gaule, etc. Il est là maintenant au pied des Alpes, qu'il a l'intention de franchir pour entrer dans la péninsule italique, bien entendu. Il veut en découdre avec les Romains. Très difficile à franchir ces Alpes. Il a 150 chevaux, 37 éléphants, 30 000 hommes. Défi majeur. Et c'est là qu'il va, il aurait dit, nous trouverons un chemin ou nous en créerons un. Bah justement, quel chemin a-t-il emprunté pour traverser cette chaîne montagneuse qui sépare la Gaule et l'Italie ? Tout le monde n'est pas d'accord. J'aimerais bien poser la question à Daniel Porte, d'ailleurs, mais je n'ai pas le temps. soit il est passé par le col du Petit Saint-Bernard, on est au bout de la vallée de la Tarentaise, soit au bout de la vallée de Maurienne, par le col Clapier. Toujours est-il qu'il traverse, le voilà à Turin, il va déboucher sur la plaine du Pô. Là, on est à 500 km de Rome. Mais il ne va pas filer jusqu'à Rome. Il va préférer aller attaquer les alliés des Romains en Sicile. Il va rester dans le sud de l'Italie pendant longtemps. Et puis, vous savez que les Romains, eux, contre-attaquent. Quand je dis les Romains, c'est Scipion l'Africain, bien entendu, qui va aller s'attaquer directement au cœur même de l'empire adverse à Carthage. Il va aller fondre, si je puis dire, sur Carthage. La fin de la belle épopée d'Hannibal, c'est 202 avant notre ère. C'est en même temps la fin de ce qu'on appelle la deuxième guerre punique. Les guerres puniques, ce sont les guerres entre Romains et Carthaginois. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.